flair à la faux. À la faux. Les gars sont au reflet à la faux. Il y a la faux, il y a mon amour. Les gars le low flair à la faux. À la faux. Les gars te reflètent à la faux. La ila a ila la. Maman doura soulila. صلى الله عليه وسلم.